Ça durait quand même 15 jours, ou 3 semaines tout de même. Même pas, même pas. Ils ont commencé le 22 Oui. mars 74 et la police est intervenue le 1er avril, je pense. Ah oui, la police était cachée, et Avec puis, Roger là, Neuls, on c'est. était vraiment baisé. Non, ils sont arrivés à 6 h du matin, donc le 1er avril. Oui, mais à mon avis, il y avait déjà quelqu'un qui avait dormi dans le clocher, et qui a ouvert la porte, et qui a, etc. Oui, ça a eu un sentiment de. Très, très moche, quoi, la façon dont c'était fait, quoi. La façon dont on a embarqué, on ne savait pas du tout, on l'a pris qu'après. Parce qu'apparemment, les avions étaient déjà prêts, Oui, tout à fait. 2 heures après, Oui, ils étaient dans oui, l'avion. oui, oui, tout à fait, ça a été bien mené, quoi. Complètement à notre insu, quoi. Alors qu'il y avait eu des négociations. Enfin, il y a eu tout de même des négociations, je me rappelle des négociations. Enfin, bon, j'étais un peu l'intellectuel de service à cette époque-là. Parce que c'est sûr que je connaissais enfin, je connaissais pas le ministre personnellement, mais bien mademoiselle Raymond de Marconi, qui était vraiment celle qui faisait le secrétariat permanent de la commission. Enfin, avant, ça s'appelait la commission tripartite de main-d'œuvre étrangère, puis alors c'était la commission de l'immigration. Donc c'était une femme, bon, remarquable, un bon fonctionnaire, etc. Donc je la connaissais, etc. Et alors on est allé, même avec une délégation des grévistes de la faim, jusqu'au ministère du Travail. Et en tous les cas, avec elle qui nous aidait, mais enfin, vous vous rendez compte que vous obligez les ministres à aller négocier avec des gens qui sont illégalement ici en Belgique. Oui, mais enfin, elle disait, c'est un peu compliqué. Donc le ministre accepte de les rencontrer, ce qui a lieu. Et puis eux, leur revendication était radicale, permis de travail pour tous ceux qui ont fait la grève de la faim et alors pour tous les autres par la suite. Et on est resté là. Donc on croyait encore qu'on allait pouvoir négocier un peu plus loin, etc. Parce que bon, on demande, je ne dis pas le maximum, mais enfin on demande là, et puis on revient, fin des négociations, c'est toujours. Bon, on fait reculer les frontières dans un sens ou dans un autre. Et donc on croyait que les négociations étaient encore possibles. Donc ce qui nous étonnait, c'est que, vraiment, il n'y a plus personne. Et puis c'est terminé.